Bon matin. J'ai écrit bonjour, là, mais je vais dire bon matin. J'espère que vous allez bien, mais ça me fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Ah, oh, qu'est-ce que vous voulez, la jeunesse? Faut que ça voyage. Alors, on est dans l'Évangile selon Marc. On va juste mettre notre temps devant le Seigneur. Merci, Seigneur, pour le privilège qu'on a de pouvoir s'assembler librement ici et dans ce bâtiment que tu nous as confié. Merci pour ta parole qui est dans nos mains, pour ton esprit qui est en nous. Et je te prie, Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les bruits extérieurs, nos pensées sur autres sujets puissent disparaître et qu'on puisse se concentrer sur ce que toi tu dis. On vient de chanter « Instruis-moi dans tes voix, enseigne-moi la vérité ». C'est ce qu'on veut faire, Seigneur. On veut comprendre ce que tu dis pour l'appliquer dans nos vies. Ça n'est pas grand-chose d'écouter, de trouver ça intéressant si on n'est pas pour l'appliquer. Alors, donne-nous, Seigneur, de saisir l'importance que ta parole a pour toi dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. La question que je vais vous poser, c'est... Qu'est-ce que vous dites de Jésus quand on vous parle? Est-ce qu'on vous arrête à un moment donné quelque part, à l'école, ou les voisins, ou dans la famille? Est-ce qu'on vous demande des comptes de pourquoi vous faites les choix que vous faites dans la vie? Est-ce que vous faites une différence? Est-ce que vous êtes différent des autres? Est-ce qu'on vous pose la question? Si on ne vous la pose pas, est-ce que vous cherchez les opportunités d'en parler? Et si vous avez une brèche qui vous est donnée, qu'est-ce que vous dites de lui? Qui est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il a accompli? Marc 1:1, là, que Christian a pris trois quarts d'heure à vous lire. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pourtant, il y a quand même plusieurs chapitres après. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, commencement de la bonne nouvelle. Le ministère de Jésus commence. Pour croire que Jésus est le Fils de Dieu, il faut regarder les déclarations de Jean-Baptiste quand Jésus va venir se faire baptiser. Hein? Il va dire c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est lui le Fils de Dieu. Il existait avant que j'existais. Il existe toute éternité. Jésus a fait multiples guérisons, là. On est en Marc chapitre 3, là. Ça va être la troisième fois qu'on va rentrer dans la maison de Pierre, OK? Et Jésus a fait multiples guérisons. Il a chassé bien des démons. Sa réputation est grande, là. Mais on a aussi tout ce que les Écritures disent de lui à l'époque. Donc, toutes les prophéties, tous les textes de l'Ancien Testament sont là pour parler de lui. Et nous avons encore aujourd'hui dans nos mains les mêmes textes, dans des langues différentes. Malgré tout ça, les opinions sont partagées à son sujet. Elles étaient partagées à l'époque du texte qu'on va lire, c'est ça qu'on va regarder. Tant qu'on partage aujourd'hui. Hey, je ne sais pas si vous avez regardé les Jeux olympiques, là, mais il y en a qui se sont amusés à faire un petit spectacle de la Sainte-Seine, mais avec des drag queens. C'est les médias mondiaux. Absolument. Bon, ben clairement qu'il y en a qui sont offensés. S'ils avaient osé faire la même chose avec Mahomet, là. Boy. Bon, voilà. Mais il y en a qui ont été offensés de ça. Il y a même une compagnie américaine, une grosse compagnie, qui a retiré sa publicité. Le Vatican s'est quand même prononcé contre ça. Les évêques en France se sont offusqués de ça. Les médias en parlent. Il y en a que ça les laisse indifférents. Ils font juste redater la nouvelle sans que ça fasse d'effet. Fait que, bon, nous, on est ici. Pourquoi je pose la question, c'est qu'est-ce que vous dites de Jésus? C'est que le but de notre témoignage, puis on va parler de qu'est-ce que c'est notre témoignage, c'est d'amener ceux qui sont autour de nous là, à être sensibles à la personne de Jésus-Christ et éventuellement vouloir se tourner vers lui, être attirés vers lui par le témoignage que nous, on apporte. Donc, c'est bien important d'être capable d'expliquer qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. Le croyant, en théorie, Le vrai croyant ne va pas se contenter d'appartenir au Seigneur, va vouloir faire comme le Seigneur, va vouloir partager la bonne nouvelle aux autres. Puis le non-croyant, il a besoin de saisir la bonne nouvelle, y croire, puis d'agir en conséquence. Bien, si les modèles que nous sommes n'agissent pas en conséquence de la bonne nouvelle, ben le modèle qu'ils ont, ce n'est pas le bon modèle. Alors, le sujet qu'on va regarder ce matin, on va regarder trois types de réactions que les gens vont avoir face à la personne et l'œuvre de Jésus-Christ dans notre texte. Ça va? Alors, je vais le lire, puis on va continuer. Alors, on va lire Marc, chapitre 3, versets 20 à 35. Comme d'habitude, je suis dans la Louis II. Et je ne vais pas la mettre à l'écran. Puis, si vous avez vos téléphones, je ne pense pas que ça rentre dans une page. Je vais être obligé de tourner la page. Bon, ça va? Ils se rendirent à la maison, et là, la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, « Il est hors de sens. » Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent, « Il est possédé de Béelzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. » Mathéo est d'accord? C'est ça qu'il veut me dire? « Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. » Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, « Il est possédé d'un esprit impur. » Ça va? Alors, ce matin, là, je vais adresser trois types de réactions. Le premier type de réaction, c'est la famille immédiate. J'ai lu jusqu'à 35. Ah non, excusez-moi. Hey, je recule d'une case. Boy. Mais c'est bon. Sur 20, ouais, c'est pas drôle. C'est parce qu'il y avait un bris dans mon texte, puis là, j'ai débarqué. Moi, c'est ça. Bon, voilà. Sur 20, sa mère et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Amen. On est rendu à 35. Non, mais c'est bon, il manquait deux morceaux. Premier type de réaction, c'est la famille immédiate. Ici, on a la mère et les frères de Jésus. C'est la famille immédiate. Mais on peut ajouter les amis, hein? On peut ajouter ceux avec qui je suis très intime. C'est ceux qui sont proches. Deuxième type de réaction, c'est les leaders de la société. Dans le texte ici, on va parler des scribes. Mais en fait, les scribes, les sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens, c'est les leaders. C'est eux qui influencent. Mais dans notre société, il y a des influenceurs. Il y en a sur les réseaux sociaux, là. Mais ce n'est pas les vrais influenceurs, ça. Les vrais influenceurs dans notre société, c'est ceux qui enseignent à l'école, qui enseignent, des fois, là, malheureusement, dans les églises, enseignent la parole de Dieu, tout croche. Mais ils influencent la société, les leaders, nos gouvernements, les politiques, les lois, tout ce qui est mis en place va dans un sens. Troisième type de réaction, c'est ceux qui ont soif de la vérité. OK? Fait qu'il y a trois façons de le regarder. Marc 3, verset 20. Commence comme ça. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. On est encore à la maison de Pierre. C'est la troisième fois qu'on revient à la maison de Pierre. On est à Capernaum. Okay? Il y a des foules qui viennent de partout. On a vu ça dans un texte avant. Là. Ça vient de partout, même de l'autre côté du Jourdain. Ça vient voir. Ils veulent voir, ils veulent entendre Jésus. Sa réputation le précède. Et ce que fait Jésus et ce que dit Jésus laisse personne indifférent. On vient de voir dans le texte. Les scribes réagissent d'une manière, la famille réagit d'une autre manière, et les autres personnes qui sont intéressées à ce qu'il dit réagissent d'une autre façon. Est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que c'est pas vrai dans nos vies? J'étais comme j'étais. Je viens au Seigneur. Bon. Peut-être que je suis venu au Seigneur, puis je me suis fait baptiser, puis je vais à l'église le dimanche matin. Mais ça ne change rien dans ma vie, dans ce que je fais, les choix que je fais. Je lis les Écritures, je comprends, je reçois des enseignements à la maison, je reçois des enseignements le dimanche matin, mais ça ne change pas ce que je vais faire aujourd'hui. Ceux qui sont honnêtes vont dire, j'ai bien de la misère avec telle affaire. Amen. Au moins, on peut prier là-dessus, on peut t'accompagner, on peut t'exhorter, on peut te donner des défis. Mais quand tu te mens à toi-même, tu ne peux rien faire. Il y a trois types de personnes. Ça va tout le monde? Alors, le premier type de réaction, c'est la famille immédiate. Le texte est comme brisé en deux morceaux. Okay? On voit au verset 21, les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Ben là, on switch après ça au scribe. Mais on revient au verset 31. Survint sa mère et ses frères. Donc, au verset 21, quand il dit les parents, c'est intéressant. Au verset 31, il clarifie, là, c'est pas toute la famille, là. C'est sa mère et ses frères. Bon, si je demande à Jordi, si tu vois ta mère arriver avec tes frères, qu'est-ce qui te passe par la tête? Jerry, lui, vas-y, Jerry, qu'est-ce qui te passe par la tête si tu les vois arriver, là, vers toi? Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? OK? Je me mets à aller chercher du renfort. OK. Donc, le texte est à deux places. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui. Car il disait, il est hors de sens. Il est fou. Ça va pas. Mais comprenez qu'eux autres, là, sont à Nazareth. C'est là qu'ils vivent. Mais ils vont descendre de Nazareth à Capernaum. Les scribes montent de Jérusalem à Capernaum. Ils viennent avec une mission. OK? Ils ont entendu parler de Jésus. Ils ont entendu parler de ses miracles. Ils ont entendu parler de ses discours. Ils ont entendu parler de ses prétentions. Il est le Fils de Dieu. Il ne dit pas clairement comme ça. Hein? Mais ils parlent comme ça. Eux sont venus pour l'arrêter dans le sens de mettre fin à ce qu'il fait et ce qu'il dit. C'est l'œuvre de qui, ça? Absolument. OK? Mais est-ce qu'ils le savent que c'est l'œuvre? Non. Qu'est-ce qui les motive, d'après vous? Vous êtes le maire, vous êtes les frères, vous êtes la famille immédiate, ou vous avez un groupe d'amis, là, c'est vos amis avec qui vous vous tenez, et puis là, il se passe quelque chose dans ta vie, hein, parce qu'il faut l'appliquer. Il se passe quelque chose dans ta vie là, où ce que tu commences à questionner ce que tu fais. Tu reviens sur tes décisions, tu reviens sur tes choix. Tu as un discours différent. Tu ris plus les blagues d'avant. Comment ils réagissent? Comment ils réagissent, Mance? Ah, c'est plus clair que ça. Hein? Dans quoi tu es embarqué? C'est quoi ce groupe-là? C'est quoi cette affaire-là? T'es rentré dans une secte? Non, mais je dis mince parce que ça, c'est arrivé récemment pour elle. Bien, ça l'arrive à toute personne qui veut s'attacher aux Écritures pour les mettre en pratique. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie personnelle. Parce que quand tu viens au Seigneur, l'Esprit de Dieu habite en toi. Hein? Si l'Esprit de Dieu habite en toi, tu as une voix permanente qui te remet en question, même sur les choses que tu ne comprends pas. Fondamentalement, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici, là. puis tu n'es plus à l'aise de faire ces choses-là. Si tu es encore à l'aise, pose-toi la question, à savoir, il est où ton cœur? OK? Parce qu'on peut retourner à cet état-là, même comme enfant de Dieu, on peut oublier notre engagement. J'ai parlé ce matin de l'engagement. OK? Eux sont venus pour l'arrêter, pour mettre fin à ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens. Puis eux sont visés. Parce que quand tu te comportes différemment d'avant, tes amis là, ou ta famille se sentent jugés. Si tu ne veux plus faire ça, parce que c'est parce que tu déclares que ce n'est pas correct, si tu déclares que ce n'est pas correct, tu déclares qu'ils ne sont pas corrects. Et quand tu déclares qu'ils ne sont pas corrects, bien, ils n'aiment pas ça. Fait que là, ils ont quelques choix. Ils vont essayer de te convaincre que tu t'es fait avoir. Puis s'ils n'y arrivent pas, de moins en moins souvent, tu vas les voir. Parce qu'ils n'aiment pas ça, se sentir jugé, accusé. Mais ça se pourrait même que certaines personnes vont prendre des moyens pour te discréditer royalement. Ça va? OK. Le deuxième type, les leaders de la société. Dans ce cas-ci, c'est les scribes qui sont identifiés. Les scribes ont la loi dans les mains. Tout l'Ancien Testament, ils le connaissent. Ils sont capables de te citer, ils sont capables de faire des ponts, mais ils ne comprennent rien. OK? Mais ils sont capables de le faire. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, « Quoi? Il est possédé de Béelzébul. » C'est bizarre parce que dans Jean chapitre 3, Nicodème, qui fait partie des pharisiens de la haute classe, va venir voir Jésus de nuit et il va dire, « On sait que... il y a juste quelqu'un qui vient de Dieu qui peut faire les choses que tu fais. » Il ne dit pas « je le sais », il dit « on le sait ». Mais on ne comprend pas. Là, Nicodème, personnellement, il veut comprendre. Il va voir Jésus puis il demande, OK? Fait que, il ne comprend pas. Eux, non seulement ils ne comprennent pas, mais ils se sentent accusés, ils sont confrontés parce que Jésus va adresser les choses telles qu'elles sont, il va déclarer les Écritures telles qu'elles sont. Les gens vont dire, « Wow, il n'y a jamais personne qui a enseigné avec une telle autorité. » Qu'est-ce que ça dit à tous les leaders? Le peuple le dit, là, c'est sa réputation. Il n'y a personne qui fait les choses qu'il fait, il n'y a personne qui dit les choses qu'il dit comme il les dit. Alors, ils n'aiment pas ça. Alors, c'est quoi l'accusation qu'ils vont faire? Ils vont dire, pour le discréditer, ils donnent la gloire à Béelzébul plutôt qu'à Dieu. Ils savent, là, mais ils ne comprennent pas, puis ils ne sont pas d'accord. Bon, même les disciples vont faire ça, hein? Pierre, à un moment donné, quand Jésus va dire, « Bon, il faut que je meure puis que je ressuscite. » Puis, qu'est-ce qu'il va dire, Pierre? « À Dieu ne plaise, ça n'arrivera pas. » Pierre, « Arrière, Satan. » Parce qu'il parle à l'autre derrière. Ce n'est pas venu naturel. Tes pensées sont des pensées humaines, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Tes pensées humaines, c'est les pensées du diable. Alors moi, mes pensées, j'ai-tu des problèmes avec mes pensées? Si ce n'est pas la parole de Dieu, si ce n'est pas basé sur la parole de Dieu, c'est des pensées humaines. Ça vient de qui? Ça vient de notre partie charnelle, pécheresse, contrôlée par le diable. OK. Fait que c'est ça qui se passe ici. Dans Matthieu 12, il clarifie le texte, parce que c'est important. La même histoire, là, il y a une petite introduction. En Matthieu 12, 22. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Qu'est-ce que vous pensez que les pharisiens, les religieux pensent quand ils entendent ce gars-là qui les dérange? La foule dit que c'est le Messie. Non, ça ne passe pas. Toute la foule étonnée disait ça. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire, eux autres? Les pharisiens, ayant entendu cela, dire, « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » C'est à cause de ce qu'ils entendent. Ils n'aiment pas ce qu'ils entendent parce qu'ils sont délogés. Ils sont mis en lumière comme de quoi que ce qu'ils font n'est pas ce que Dieu veut. Et ils vont réagir. Au verset 23, dans notre texte, Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan? » Il leur renvoie leur affaire. Wow! C'est pas brillant ce que vous venez de dire. Satan, il est en mission pour détruire l'œuvre de Dieu, pour empêcher Jésus d'aller à la croix. C'est pas Satan qui a mis Jésus sur la croix. Jésus est allé volontairement à la croix. Satan a tout fait pour l'empêcher d'y aller. Satan, comment Satan peut-il chasser Satan? Si vous lisez au verset 29, pour Jésus, là, ce qu'il vient de faire, c'est un blasphème. Mais un blasphème qui ne se pardonne pas. Pourquoi? Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parlait ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Vous savez que ce n'est pas vrai. Vous savez que ce que je fais vient de Dieu. Mais vous n'aimez pas ça. Et vous le niez, et vous mentez, et vous le rejetez. Puis à cause de ça, vous allez mourir dans vos péchés. Puis ce peuple, ce que vous avez, votre système va tomber. Le jour où Jésus ressuscite à la croix, le système hébraïque vient de tomber à terre. La toile, le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint, va déchirer du haut vers le bas. Jésus leur a dit juste avant, deux fois, il dit « la maison de mon père », la troisième fois, quand il leur parle, il dit « votre maison ». C'est plus ma maison. Okay? On vient de changer de système. Ils ont blasphémé contre lui. Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Juste vous lire un petit bout dans Hébreux 6. Juste avant, ouais, juste avant. Jean 15, verset 24. Si j'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'avait faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues et ils ont haï et moi et mon Père. C'est pour ça qu'il leur dit, c'est impardonnable. Vous avez vu, vous savez, mais vous rejetez. Je vais aller dans Hébreux 6, vous me donnez deux secondes. Hébreux 6, 4. « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Les gens vont te regarder, parce que c'est un avertissement en fait pour toute personne qui dit, qui a lu, qui a vu, qui a dans sa vie personnelle vu des choses, mais qu'un jour tu renies là, ce que Dieu a fait. Là. Puisqu'il crucifie pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons, 10, 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, reçu là, c'est pas juste je l'ai entendu. Je l'ai entendu, je l'ai réfléchi, je l'ai expérimenté, mais je choisis de le rejeter. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Christ est mort une fois pour toutes, pour tous nos péchés. Il n'y a aucun autre sacrifice maintenant qui peut être fait, qui sera fait pour le pardon des péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est une chose terrible, au verset 31 de Hébreux 10, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Eux, là, ils ont vu, entendu, ils savent, mais non seulement ils rejettent, là, ils rejettent royalement, là, ils vont tout faire pour le faire mourir. Puis ils n'y arriveront pas. Ça va arriver juste quand Jésus va dire « c'est le temps ». Troisième type de réaction, c'est ceux qui ont soif de la vérité. Marc 3, verset 32. Pendant ce temps-là, on pourrait dire ça, là, pendant ce temps-là, pendant que les parents arrivent, pendant que les scribes postent leurs commentaires, La foule était assise autour de lui. Juste prendre une petite pause. La foule est assise autour de lui. Ils viennent de tout partout. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur job? Leur paysagement, leur vaisselle, hein? Préparer des repas. Ils ont amené des couleurs avec des sandwichs dedans, je ne sais pas. Là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils arrivent de tout partout. Ils ont mis de côté tout là, de la vie. Ils se sont organisés pour être là, puis l'entendre. Puis là, quand ils sont assis, là, ils ne parlent pas, ils ne discutent pas, ils ne dessinent pas, ils ne jouent pas avec des ballons. Ils sont concentrés, ils l'écoutent. C'est difficile là, aujourd'hui d'avoir l'attention là, des gens. Tu sais, quand tu expliques quelque chose, là, qu'ils t'écoutent vraiment. Là, ou juste dire, je lis la parole, s'il vous plaît, ne me dérangez pas, j'aimerais tellement comprendre. Puis si je ne comprends pas, je vais aller voir quelqu'un qui peut me l'expliquer. Je veux vraiment savoir. Puis du coup, je l'ai compris, là, comment je le mets en pratique. Je m'organise pour avoir des modèles qui m'aident à le mettre en pratique. Pas qu'ils le font à ma place, là, pas qu'ils me disent ABC, là, qui m'aident, qui m'accompagnent. C'est ça que j'ai besoin. Eux, là, sont assis là, hein, puis Jésus, il dit, voici ta mère et tes frères. Oh, excuse-moi. Il répondit, qui est ma mère, qui sont mes frères? Puis Jésus, regardant, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui. C'est le groupe qui l'intéresse. Le reste, là, ça ne m'intéresse pas. Oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse s'ils viennent s'asseoir. Ça m'intéresse si Christ les intéresse. Ça ne m'intéresse pas si Christ ne les intéresse pas. Est-ce que vous dites ça, vous autres? Non, sérieusement, là. Ce que la vie a à m'offrir, ça ne m'intéresse pas si Christ n'en fait pas partie. C'est ça que vous dites, vraiment? Parce qu'en retournant à la maison, là, moi, on commençait un cours avec les jeunes, là, ils sont assis ici, hein, les jeunes adultes, hein, de comment gérer ma vie pour Dieu. Puis la première affaire qu'on fait, là, c'est un constat de qui on est. D'où tu viens? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu as vécu à date? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tu penses ta place dans la société? Parce qu'à partir de là, on va regarder ce que la Bible dit par rapport à ton futur. Là, tu as à choisir entre faire ce que la Bible dit par rapport à ton futur versus ce que tu fais maintenant. Pourquoi on regarde en arrière? Pour faire un constat misère. C'est là que je suis. Si je veux être à la place que le Seigneur me demande, j'ai des changements à faire dans ma vie. OK, comment qu'on va faire? Parce que si je ne regarde pas comment je vais le faire, là, ça n'arrivera pas. Puis si je regarde comment je vais le faire, mais que je n'ai pas la discipline de faire ce qu'il faut pour que ça l'arrive, là, bien, ça n'arrivera pas. Donc, il est où mon cœur? Y es-tu à profiter de la vie ou y est à faire ce que le Seigneur me demande pour moi? Eux sont assis là, puis là, ils l'écoutent. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère. Marie est dehors, là. Jacques et Jude, deux des quatre frères de Jésus, qui vont éventuellement écrire l'Épître selon Jacques et l'Épître selon Jude, pour le moment, ne croient pas en lui. Marie, il se pose des questions depuis qu'il est né, là, quand on va lire dans Luc, là, dès que l'ange lui parle, l'archange lui parle, quand elle va se présenter le huitième jour au temple pour faire circoncire Jésus, là, il y a une prophétesse qui vient la voir, tu sais, elle ne comprend pas. À 12 ans, Jésus, là, il va rester à Jérusalem 3 jours, il est assis avec les sages, elle ne comprend pas. OK? Fait que ça arrive, là. Elle, noce de Cana, hey, t'es qui, toi, femme, pour me dire quoi faire? C'est pas toi qui vas me dire quoi faire. C'est mon Père Céleste qui va me dire quoi faire. Je vais le faire quand il va me dire go, pas avant. OK? Bien, il a dit go tout de suite après. Fait qu'il a changé l'eau en vin. OK? Mais c'est juste pour dire, Jésus se dissocie du monde. Pas qu'il n'aime pas sa mère, il n'est pas impoli, il n'est pas irrespectueux, il l'aime, il la considère, parce qu'à la croix, là, il va lui donner un autre fils pour prendre soin d'elle. Okay? Voilà. Fait qu'il aime sa mère dans le sens humain, mais sa priorité, c'est son père. Luc 8, il dit, c'est la même histoire, là. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Si vous ne la mettez pas en pratique, vous êtes comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir, tu regardes la parole, tu dis, ah, boy, moi, je ne suis pas là pendant tout, là. Oh, Seigneur. Là, tu fermes ta Bible, tu te lèves, puis tu t'en vas continuer à faire ce que tu faisais avant. Parce que si tu veux pratiquer ça ici, là, il faut que tu te dises comment tu vas le faire. Qu'est-ce qu'il faut qu'il change dans ta vie? Eux sont assis devant Jésus et l'écoutent parce qu'ils savent qui sont misérables. Ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils veulent autre chose que leur vie actuelle. Bon, ils n'ont pas tout saisi, là. Mais Jésus dit, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et c'est lui qui est en train de parler, là. Ça va? Donc, Jean 2, 6, il dit, si je veux juste aller avec lui, là, Jean 2, 6 dit, « Marchez comme il a marché. » Si vous dites qu'il est en vous, marchez comme il a marché lui-même. Puis Jean 17, il faut que j'aille le lire, juste avant de quitter cette place-là. Là. Je peux quand même aller là. Jean 17, ça vaut la peine. C'est long, Jean 17, mais il faut le lire. Parce que c'est le sujet. Je pense. Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, OK, là, on est le dernier repas qu'ils sont en train de prendre. Chapitre 18, là, il va se lever, puis c'est la crucifixion qui s'en vient. Ici, c'est juste avant. Il leur a lavé les pieds, il leur a parlé. Là, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Qu'est-ce que vous dites de Jésus quand vous parlez aux autres? Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre solution. Puis c'est difficile, juste ça, là. Premièrement, quand tu dis ce que je viens de dire, ce que la Bible dit, tu sous-entends qu'il y a une autre condition. L'autre condition, là, c'est la mort éternelle, c'est l'enfer. Hey, comment tu vois, vous mentionnez ça devant vos amis, si tu ne crois pas, tu t'en vas en enfer. La plupart des gens, là, quand je dis la plupart, là, c'est un gros pourcentage, là, hein, n'osent pas le dire, parce qu'ils ne veulent pas faire de peine, ils ne veulent pas blesser. Mais penses-tu de l'autre bord, là, quand ils vont se présenter devant Dieu, qu'ils n'en auront pas de la peine? Quand est-ce que vous voulez qu'il y ait de la peine? Ici ou l'autre bord? Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. En fait, vous pourriez mettre votre nom, là. Okay? Tout ce que je suis en train de lire, on est appelé à faire la même chose. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Quand je me mets en présence de quelqu'un qui a une brèche, est-ce que je vais attendre, voir si je devrais parler ou pas? Il est là devant moi. Le moment est là. Je connais la vérité. Il a besoin de la vérité. Je la lui dis ou je la dis pas? J'ai peur qu'il soit blessé, qu'il ne me parle plus jamais, là. Ben, dans l'éternité, là, s'il n'est pas sauvé, il ne me parlera plus jamais. Est-ce que ça va? Mais ils ont besoin de l'entendre. La vérité est tranchante. Elle n'est pas arrondie, adoucie. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Les scribes et les pharisiens, là, ils savaient ça, mais ils l'ont renié, ils l'ont rejeté. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues. Les paroles, OK? Ça, c'est la parole de Dieu. Est-ce que c'est ouvert à une négociation? Est-ce que c'est ouvert à une interprétation particulière? Non, hein? Bon. Alors, quand ils les ont reçues telles quelles, that's it, that's all. Tu crois Dieu ou tu ne crois pas? Si tu crois en Dieu, tu vas lire la Bible, puis tu vas croire que c'est lui qui te l'a dit, tu vas faire ce qu'il dit. Si tu ne fais pas ce qu'il dit, tu le fais menteur. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Si vous êtes un enfant de Dieu ce matin, c'est là que vous êtes. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu ce matin, vous n'êtes pas là-dedans, mais vous êtes invité. C'est ça le but de l'Évangile. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Jésus, là, il va partir, là. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. Nous, on est appelés à être un. Le même message, le même amour, la même façon de vivre, les mêmes priorités. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Ça, c'est nous, là. Je leur ai donné la parole. Voilà. Jésus, quand il commence son ministère, Marc, je ne sais pas quel verset, là, il dit, « Annoncez la parole. » Quelle parole? La même qu'il est en train de nous dire. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. » Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Si je ne suis pas du monde, pourquoi je m'attache aux choses de ce monde? Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Elle n'est pas négociable, elle n'est pas discutable. Puis Dieu ne nous donne pas les raisons. Il n'a jamais dit à Job pourquoi tous ces malheurs sont arrivés. Les malheurs à Job, Job a compris que Dieu est souverain et il n'a pas besoin de lui donner d'explication. Puis on devrait saisir la même chose. Quand il m'arrive quelque chose, Dieu l'a permis. OK, c'est quoi le message pour moi? Qu'est-ce que je suis supposé d'observer? Qu'est-ce que je suis supposé de faire? Je reste positif parce que je sais à qui j'appartiens. Je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Alors, je vais rester paisible. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et les ont reçues. T'es-tu rendu là, moi, là? Quel verset je suis rendu? 18. Bon, merci. Ah oui, c'est ça. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Pour qu'on reste dans l'ombre, qu'on ne fasse pas de différence, que ce qu'on dit et ce qu'on fait ne les dérange pas. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. On a un job. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je vais arrêter cela. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce qu'il veut pour ceux qui ont soif de lui. C'est changer leur vie, changer notre vie, pour qu'on devienne semblable à lui, qu'on soit des témoins dans ce monde. Comment est-ce possible? Jean 15, verset 26. « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, ne le contenez pas. Laissez-le agir. Ne le freinez pas. N'ayez pas peur de ce que les gens vont dire. Faites ce que vous avez à faire. Faites-le avec le verset, j'ai oublié, là, c'est, mais dites la vérité avec amour, douceur. Jésus n'est pas venu juger. Il est venu sauver. Ils sont déjà, s'ils refusent la vérité, ils sont déjà jugés. Donc, on n'a pas besoin de les accuser. Ils sont déjà jugés. C'est pour ça que quand tu dis la vérité, ils se sentent accusés. Parce que la vérité met le mensonge en lumière. Maintenant, je ne veux pas te dire ça juste pour t'écœurer. Je veux te dire ça parce qu'il y a un espoir. Jésus nous a donné la vie éternelle si on met notre confiance en lui. C'est ça le mandat, OK? Excusez-moi, je m'en vais dans la mauvaise direction, là. On va y arriver. Et il dit, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Il ne faut pas que tu aies peur que tu te sauves. Mais en même temps, c'est intéressant, hein? « Ils vous excluront des synagogues. » Ça, c'est okay, pour le juif, là. C'est toi, ta famille, l'Église, dans la communauté. Ça va, Jerry? Hein? Non, mais c'est pas c'est ça qu'on fait dans notre cours. Là. Tous ceux qui sont en cours avec moi, là. Moi, ma famille, l'Église, dans la communauté. Pour le Juif, c'est un. La famille d'Israël, le peuple d'Israël, la loi hébraïque, la loi de Moïse, okay? C'est tout pour le peuple d'Israël, c'est tout inclus. Les leaders, c'est les patriarches, le chef de famille, c'est tout à la même place. Et je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Pourquoi? Soyez pas effrayés. Mais ils vont vous exclure des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Si vous prenez position pour Christ, vous voulez mettre en pratique ce que le Seigneur demande dans chacune de nos vies, bien, ça va faire une différence dans le monde dans lequel on est. Alors, la vérité du témoignage biblique, des témoins qui t'entourent, la Bible par elle-même, il faut juste amener quelqu'un à vouloir la lire. Les témoins qui t'entourent, ceux avec qui tu te tiens et qui aiment le Seigneur, si tu n'es pas un enfant de Dieu ou tu n'as vraiment pas pris position, ben tu as du monde autour de toi qui ont pris position. Comment ils se comportent? Qu'est-ce qu'ils disent? Où est-ce qu'ils se tiennent? L'appel du Saint-Esprit qui t'a amené ici ce matin, si tu es ici, c'est parce que le Seigneur veut toi ici, c'est suffisant de la part de Dieu pour te convaincre de le croire et de marcher avec lui. On rencontre des gens là qui veulent, ils veulent une preuve. Qu'est-ce que Jésus dit aux gens de Nazareth? Vous voulez des miracles, hein? Vous n'en aurez pas. Le seul miracle que vous allez voir, c'est celui de Jonas. Pourquoi? Parce qu'ils sont incrédules. Il n'y aura pas de miracle. Pas à Nazareth. Donc, croire Dieu, si tu dis que tu crois en Dieu, prends sa parole, lis-la, réfléchis-la, mets-la en pratique. That's it. Jésus-Christ, il ne rejette personne qui vient à lui. On l'a lu quand j'ai fait Marc 2, là. Mais, du coup, je vais le dire par cœur. Je vais le lire pareil. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Mais si vous prenez position, si vous avez pris position, mais vous avez oublié, puis qu'il se passe des affaires dans votre vie que vous n'êtes pas tout à fait en paix avec, il n'est jamais trop tard pour mettre de l'ordre dans mes affaires. Puis oui, si je décide d'abandonner quelque chose, parce que je veux faire ce que le Seigneur demande, ben je vais croire que Dieu va bénir l'affaire. C'est ça que je vais faire. Mais moi, je vais le faire. Ça va? Donc, si ça vous rejoint ce matin, hein, d'une manière ou d'une autre, mon exhortation, c'est lève-toi, déclare ton intention de le suivre, puis suis ses instructions. Sinon, ça ne vaut rien. Amen.